La soupe à la bride à saucisse. Chaque année, le roi Francis du puissant royaume de Red Lake donnait un royal banquet